Don. Ramenez la lumière dans le creux de son ventre, pour que le sang se mêle. La restituez au monde, délivrant un parfum, en dédommagement.